Nommer ces machins, qui aimaient à faire destituer les autres. Comme il dormait pendant le jour dans l'hôtel d'un Shangshu, président d'un tribunal suprême, il fut assailli par une multitude d'oiseaux de proie, qui lui déchirèrent la bouche et les lèvres. Il baigna de son sang le lit où il était couché, et expira quelques instants après. Sous le règne de Shitsong, de la dynastie des Cheou, de 954 à 960, Tao Ku aimait aussi à faire destituer les autres. Quand il fut mort, on l'enterra dans le temple de Chaokyo. Tout à coup on entendit de violents coups de tonnerre, accompagnés d'une pluie d'orage. La foudre brisa la porte de son tombeau, et son corps disparut sans qu'on pût le retrouver. Voilà le châtiment de ceux qui exilent les hommes vertueux, et font destituer les sages. Insulter les orphelins et opprimer les veuves. Commentaire. Le mot ling, 1, signifie insulter quelqu'un, lui faire un affront. Le mot ku, 2, veut dire un fils qui a perdu son père. Le mot pi, 3, signifie user de violence, envers quelqu'un pour l'obliger à faire une chose. Un fils qui a perdu son père, une femme privée de son époux, se trouve sans parents, sans appui. Ce sont les êtres les plus malheureux du monde. Les uns les insultent parce qu'ils sont faibles et sans défense, et profitent de la première occasion pour les tromper et leur nuire. Les autres s'emparent de leur terre. Ceux-ci les dépouillent de leurs richesses. Ceux-là leur font perdre, par d'indignes artifices, les occupations dont ils ont besoin pour subsister. Alors les orphelins et les veuves errent au loin sans asile, et n'ont plus personne qu'ils puissent implorer dans leur souffrance. Mais bientôt la Providence se montre avec éclat, et elle envoie des démons et des esprits qui vengent leurs injures. Histoire. Un homme de Kieshui, nommé Cheuchu, s'empara d'un champ appartenant à son neveu, qui était devenu orphelin, et fit bâtir à la place deux pavillons. Le neveu n'osa pas plaider contre son oncle. Il se contenta de brûler des parfums, et de dénoncer au ciel l'injustice, dont il était victime. Dans la deuxième année de la période Ongqi, 1490, il s'éleva un vent violent, accompagné de tonnerres et d'éclairs, qui transporta les deux pavillons dans un autre endroit, et lui rendit son champ sans qu'il y manquât un pouce de terrain. Cheuchu resta pendant 7 jours à genoux sur l'emplacement de ses pavillons, et ne put proférer aucune parole. Au bout de ce temps, il commença à parler. « Je reconnais, dit-il, le crime que j'ai commis en insultant à la faiblesse d'un orphelin. » 2 ans ne s'étaient pas encore écoulés, lorsqu'il tomba malade et mourut au milieu des plus cruelles douleurs. Voilà comment le ciel châtie ceux qui insultent à la faiblesse des orphelins. Sous le règne de Zhongqing, un homme du district de Wuqiang, nommé Changsepe, vint à mourir. Sa femme, Qinxi, était encore dans la fleur de la jeunesse et de la beauté. Zhesong, frère aîné de Sepe, forma le projet de la vendre, en qualité de seconde femme, à un homme riche du pays, nommé Xiu Yong. Qinxi n'avait aucune connaissance de ce dessein. Sesong prévit bien qu'il ne pourrait lui faire abandonner la résolution qu'elle avait prise de ne point se remarier. Il chargea une vieille femme du voisinage, nommée Yu, de trouver un prétexte pour lui demander à passer la nuit chez elle. La nuit suivante, il vint à la tête d'une bande de scélérats, qui pénétrèrent dans la maison, dont la vieille leur ouvrit la porte, se saisirent de Qinxi, et l'emmenèrent de force dans un bateau. La jeune femme poussa des cris de douleur, et jura qu'elle mourrait plutôt que de violer sa résolution. Son père, nommé Qin San, porta plainte devant le chef du district, qui traîna l'affaire en longueur et n'exerça aucune poursuite contre les coupables. Il plaida de nouveau auprès de Lu Kong, qui avait la charge de Qin Qi. Siung gagna d'anciens fonctionnaires qui présentèrent contre Qin Qi une fausse accusation et la firent condamner comme ayant insulté son mari. Cette malheureuse subit la torture des doigts et fut ensuite jetée en prison. Qin Qi s'abreuva de ses larmes et refusa pendant 3 jours toute espèce de nourriture. Le Séli étant venu dans ce district, fut informé de l'injustice dont elle était victime et la mit en liberté. Il la présenta au Qin Qi, à qui elle fit connaître en pleurant l'accusation indigne à laquelle elle avait succombé, puis elle prit un couteau et se coupa la gorge. La terre fut inondée de son sang. Lu Kong s'élança de son tribunal, s'inclina profondément devant elle, et lui promit de venger ses injures. Au même instant ses yeux se fermèrent et elle expira. Le Qin Qi rédigea de suite un rapport qu'il adressa à l'empereur. Les scélérats furent tous punis de leurs crimes. Sesong et Siung périrent sous la bastonnade. Le gouverneur fut condamné à l'exil et mourut le lendemain. La vieille Yu expira avant le 3e jour. Les employés qui s'étaient laissés suborner par des présents devinrent muets et ne purent parler pendant tout le reste de leur vie. Voilà comment le ciel punit ceux qui oppriment les veuves. Violer les lois et recevoir des présents. Commentaire. L'expression kifa, littéralement abandonner les lois, signifie ne pas obéir aux lois établies par l'empereur. Les mots Cheoulou signifient recevoir de l'argent des criminels. Quand un magistrat a reçu de l'argent, il met de côté les lois du royaume et ne manque jamais de prononcer une condamnation injuste. Mais ordinairement on reçoit d'avance de l'argent des criminels et ensuite on ne peut s'empêcher de violer les lois. Dans ce passage, Lao Tse ne dit point « recevoir des présents et violer les lois » mais il dit « violer les lois et recevoir des présents ». L'auteur veut dire que les magistrats cupides, les employés corrompus par l'amour du gain, ne font nulle attention aux lois de l'empereur. Leur seul but, leur unique désir est d'obtenir de l'argent. Ils violent d'abord les lois et reçoivent ensuite des présents. On voit qu'ils sont plus coupables que ceux qui reçoivent des présents avant de violer les lois. Histoire. Un homme du département de King Cheoufou, nommé Wei Chao, qui avait la charge de Tuikuan, était allé à Yiling pour examiner le cadavre d'une personne qu'on venait d'assassiner. La route qu'il devait suivre traversait un chef-lieu où demeurait un ancien magistrat nommé Xu Kao King. Celui-ci vit en songe un esprit qui lui dit « Demain soir, Wei Chao, qui a la charge de Tuikuan, passera par ce chef-lieu. C'est un homme qui ira loin. On peut juger d'avance qu'il deviendra un jour membre du tribunal de la magistrature. » Le lendemain du jour où Siu avait reçu cette communication, Wei Chao arriva en effet. Il le retint chez lui à coucher et le traita de la manière la plus splendide. Quelques jours après, Siu vit encore en songe un esprit qui lui dit « N'est-il pas surprenant qu'en partant d'ici, Wei Chao ait reçu d'un criminel une somme de 400 onces d'argent ? Il a condamné sciemment un homme innocent qui est mort avec la rancune dans le cœur. Le maître du ciel lui a déjà ôté sa charge et ses appointements, et il ne prolongera pas longtemps ses jours. » Cao King prit des informations et reconnut la vérité de ce qu'on lui avait dit. Bientôt après, Wei Chao perdit sa mère, sa fortune fut promptement ruinée, et il mourut lui-même au bout d'un an. Voilà le châtiment que le ciel réserve aux magistrats qui violent les lois et reçoivent des présents. Quant aux magistrats retirés des affaires, qui reçoivent de l'argent en toute occasion, qui se font les avocats des mauvaises causes et empêchent les magistrats d'observer les lois, ils doivent s'attendre à être punis de la même manière. Un licencié de Taichéou, nommé Zopi, se rendit au concours de la capitale pour obtenir le grade de docteur. Il présenta une composition si parfaite qu'un examinateur adjoint lui décerna la première place. Il s'endormit aussitôt et vit en songe un esprit qui lui dit « La composition que vous tenez est celle de Zopi. » Lorsqu'il vivait à la campagne, il a reçu telle et telle somme de divers criminels qu'il offrait de défendre. Il a été cause que les lois ont été violées et que beaucoup d'hommes innocents ont été mis à mort. Le ciel lui a ôté l'avancement qu'il pouvait espérer et a diminué la durée de sa vie. Gardez-vous de les lire. Sur le champ, l'examinateur mit Zopi hors de concours. Quand la liste fut publiée, on examina les compositions et l'on reconnut que celle qui avait été éliminée était en effet celle de Zopi. Au bout de quelque temps, il mourut loin de son pays, sur le mont Yenshan. Chouki disait, cette pensée, violer la loi et recevoir des présents, ne s'applique pas seulement aux magistrats. En général, les greffiers, les simples employés des tribunaux, qui ressemblent, comme dit le proverbe, au renard qui emprunte la puissance redoutable du tigre, qui manie le pinceau pour violer les lois et commettre toutes sortes de prévarications, et qui entasse crime sur crime, ne manque jamais d'encourir les châtiments du ciel. S'il en était autrement, ils pourraient jouir en paix des richesses qu'ils auraient acquises par des moyens odieux et cruels. Donner tort à celui qui a raison, et donner raison à celui qui a tort. Commentaire. Le mot chi de droit signifie ici ce qui est conforme à la raison, à la justice. Le mot kyo, 4, tortue, signifie le contraire de chi. Chi kyo, le juste et l'injuste. Si un magistrat donne tort à celui qui a raison, et donne raison à celui qui a tort, il blesse l'équité et les lois, et fait peser sur un homme innocent une fausse accusation. Il ne pourra échapper aux malheurs qui sont le châtiment du crime. Histoire. Un licencié nommé Yang Chi qui s'était levé de grand matin pour aller voir la liste des docteurs qu'on venait d'afficher. Sa femme était également sortie de bonne heure pour rendre visite à ses parents. Sur la route, elle rencontra un homme ivre qui l'accabla de coups et d'injures. De suite, elle alla porter plainte devant le magistrat. À cette époque, c'était Wen Chongchu qui jugeait toutes les causes du tribunal de Kaifengfu. Le juge, ayant vu des traces d'ongles sur la figure de l'homme ivre, le renvoya à Apsu et châtia la femme qui l'avait accusée. Celle-ci refusa pendant plusieurs jours de prendre de la nourriture. Le mari, affligé du traitement qu'on avait fait subir à sa femme, alla trouver le juge du département, afin qu'il réparât l'injustice qu'il avait commise. Mais Chongchu ne voulut point l'entendre. Le mari et la femme, sans s'emporter contre le juge, coururent ensemble à la rivière et se noyèrent. La nuit suivante, Chongchu vit en songe le dieu du temple de Kaifengfu, qui lui adressa des reproches, et lui dit « Vous avez commis une imprudence coupable. Votre décision injuste envers une femme vertueuse a entraîné la mort de deux personnes innocentes. J'en ai déjà informé le dieu du mont Taishan, qui, à son tour, a fait son rapport au maître du ciel. Le malheur va s'absentir sur vous. » Le lendemain, l'empereur ayant appris cet événement, destitua Chongchu pour avoir manqué au devoir de sa charge. Il mourut quelque temps après. Shin Megaokte était chargé de juger toutes les causes criminelles dans le ressort de la province de Chekiang. La seconde femme d'un habitant de Hangcheou, nommée Yachin Yang, étant occupée à laver du linge au bord d'un puits, le fils de la femme légitime tomba au fond de l'eau. Celle-ci dit aussitôt que c'était Chin Yang qui avait poussé son fils dans le puits et l'accusa devant le magistrat. Chin Megaokte, sans se donner la peine d'examiner cette injuste condamnation, fit jeter Chin Yang dans la prison des personnes condamnées à mort. Quelque temps après, Chin Megaokte revint à la capitale, et ayant appris qu'un religieux, attaché au temple appelé Ying Miao, était très versé dans la science des Taoïsé, il alla le trouver et l'interrogea sur ce qui devait lui arriver. Celui-ci ne lui répondit rien. Dans la suite, il dit à un parent de Chin Megaokte : « Savez-vous ce qu'est devenu Chin Yang ?» Chin Megaokte en ayant été informé, il fut atterré par cette question, et une sueur froide coula de tout son corps. Il se priva d'aliments et mourut. C'est ainsi que ces deux hommes furent punis pour avoir donné tort à des personnes qui avaient raison, c'est-à-dire pour avoir condamné des innocents. Wang Xi, qui vivait sous la dynastie des Tsin, ordonna un jour à un de ses serviteurs d'aller chercher dans sa chambre un vêtement qu'il devait demander à une servante. Celle-ci le sollicita de céder à ses désirs. Le serviteur s'y refusa. « Si tu ne m'écoutes pas, lui dit la servante, je vais crier de toutes mes forces. » Le serviteur lui ayant résisté jusqu'à la fin, elle poussa des cris perçants, en disant « Un tel veut me faire violence. » Wang Xi entra aussitôt en colère. Il ordonna de tuer le serviteur, sans lui laisser le temps de se justifier, et accorda de grands éloges à la chasteté de la servante. Le serviteur dit en pleurant : « La servante est coupable, et moi je suis innocent. Je ne devrais pas subir cet injuste châtiment. Vous avez mérité que je vous accuse au tribunal du ciel. » Wang Xi tomba aussitôt malade. Il vit en songe son domestique, qui lui dit : « Ce que je vous ai affirmé avant-hier était l'exacte vérité. Pour ne pas avoir su la reconnaître, vous allez bientôt me rejoindre. » Xi mourut avant la fin du jour. On voit par là que ceux qui jugent doivent entrer dans le détail de tous les faits et distinguer le juste de l'injuste. Il ne faut point agir avec précipitation, ni recevoir des présents. Alors personne ne succombera à une fausse accusation, et les juges eux-mêmes ne seront exposés à aucun malheur. Non seulement les magistrats ne doivent point confondre le juste de l'injuste, mais même les particuliers qui, dans un village, sont appelés à juger une affaire, doivent donner raison à ceux qui ont raison, et engager doucement ceux qui ont tort à réparer leur faute. De cette manière le peuple se soumettra de bon cœur à leurs décisions, et la justice éclatera dans tout son jour. Ils empêcheront les hommes d'avoir recours à l'autorité judiciaire, et de se susciter d'interminables procès. Une telle conduite leur méritera les plus grands éloges. Mettre les fautes au rang des crimes. Commentaire. Le mot ying de signifie une faute légère. Le mot chong 4 signifie une faute grave. Ce passage veut dire appliquer aux fautes les lois pénales réservées aux crimes. Par exemple, lorsqu'un homme a mérité la bastonnade, le condamné à l'exil, lorsqu'un homme a mérité l'exil, le condamné à la peine de mort. Celui qui subit ainsi un châtiment injuste, conserve du ressentiment dans l'âme. Comment le juge ne serait-il pas puni de son iniquité? Histoire. À l'époque où Qin Yin n'avait pas encore obtenu ses degrés littéraires, il rêva qu'il se trouvait devant un magistrat, et qu'il voyait, sur un côté de la porte, une tablette où était écrit en caractère d'or, les mots Zhongxing Qinian, c'est-à-dire Qinian ministre de gauche. Et, sur l'autre côté de la porte, une seconde tablette avec les mots Yu Qing Wangli, c'est-à-dire Wangli ministre de droite. Dans la suite, Wangli fut élevé à la dignité de Yu Qing, ou ministre de droite, et Qinian obtint seulement le rang de Yose. Sur la fin de sa vie, Qinian dit à ses enfants. J'ai commencé ma carrière sans aucune fortune, et pendant toute ma vie je n'ai commis aucune injustice. Cependant le rang que j'obtiens aujourd'hui ne répond point à celui qui me fut promis en songe. Je me souviens qu'autrefois, lorsque j'étais gouverneur de Hangzhou, un taquin amena devant moi un vieux soldat auquel il voulait faire donner la bastonnade. Comme le vieux soldat avait plus de 70 ans, la loi défendait de le frapper, et lui permettait de racheter sa peine. Le taquin m'ayant adressé des reproches, je ne pus m'empêcher de faire châtier le vieux militaire. Mais, au bout de quelques instants, il expira sous les coups de bâton. Il y a déjà 20 ans que cet événement est arrivé, et j'y pense sans cesse avec le plus vif repentir. J'ai violé la loi pour flatter les passions d'autrui, et je me suis attiré un cruel châtiment en faisant mourir un homme qui était digne d'indulgence. Il est juste que je n'obtienne pas une charge éminente. Vous, mes enfants, redoublez de vigilance et d'attention. Ce n'est point, ajoute le commentateur, qu'il redoutait la colère du Takuan. Il cherchait seulement à obtenir un rang plus élevé. Mais, en rendant une sentence injuste, pour flatter les passions d'un autre homme, il a nui à son propre avancement. Cet exemple devrait ouvrir les yeux des hommes qui, pour complaire à leurs supérieurs, punissent les fautes avec la même sévérité que les crimes. Fan Shengjin était gouverneur de Qingzhou. Ayant vu que la geôle était remplie de prisonniers, il conseilla aux juges de les renvoyer après leur avoir appliqué un châtiment proportionné à leur délit. Ces gens, lui répondit le juge, sont la plupart des marchands bouchers qui ont trompé les acheteurs. Si vous les mettez en liberté, ils se feront encore traduire en justice. Au bout du compte, reprit Shengjin, que leur fera-t-on? En général, répondit le juge, on les laisse mourir en prison. C'est le meilleur moyen de préserver le peuple de leur friponnerie. Est-il juste, répartit Shengjin, qu'un magistrat veuille faire périr un homme que la loi ne condamne pas à mort? Sur le champ, il fit appeler devant lui tous les détenus. Il leur adressa des reproches sévères et leur dit « Le juge ne veut pas vous rendre la liberté parce que vous êtes des gens incorrigibles. Il craint que vous ne trompiez encore le peuple et que vous ne vous fassiez de nouveau traduire en justice. Mais si vous voulez vous corriger de vos fautes, je vous ferai sortir de prison. » Tous les détenus se prosternèrent jusqu'à terre et lui dirent « Comment oserions-nous désobéir à vos instructions ?» Sur le champ il les mit tous en liberté. Les prisonniers sortirent transportés de joie, et s'encouragèrent les uns les autres à faire le bien. Dans la suite, les délits devinrent extrêmement rares. L'homme que nous venons de citer ne mettait pas les fautes au nombre des crimes. Le Shu King dit, « Quand un délit est douteux, que la peine soit légère. » Il dit encore, « Il vaut mieux mettre un coupable en liberté que d'emprisonner un homme innocent. » Comment ne pas apporter sur ce point la plus sérieuse attention? S'emporter avec colère contre les hommes qu'on voit conduire à la mort. Commentaire. Quand nous voyons un criminel que l'on conduit à la mort, son sort devrait exciter en nous un sentiment de commisération. Si au contraire nous nous emportons contre lui avec colère, C'est montrer une barbarie qui exclut toute espèce de pitié. Comment ne nous attirerions-nous pas les plus grands malheurs? Histoire. Autrefois, Tse Kao, étant chef de la justice dans le royaume de Wei, faisait couper les doigts des pieds aux condamnés. Des troubles étant survenus dans le royaume de Wei, Tse Kao songea à se sauver. Des hommes, à qui il avait fait subir ce supplice, l'engagèrent plusieurs fois à fuir et à se cacher. Tse Kao leur dit : autrefois je vous ai fait couper les doigts des pieds, et aujourd'hui que je suis dans le malheur, il serait naturel que vous voulussiez vous en venger. Comment, au contraire, m'engagez-vous à fuir et à me cacher ? Tirez Kedratin, si vous nous avez fait couper les doigts des pieds, lui répondirent-ils, c'est que nous l'avions mérité par nos crimes. Nous nous rappelons qu'autrefois, lorsque vous nous avez condamnés à ce supplice, vos traits respiraient la tristesse et la compassion. Voilà pourquoi nous sommes pénétrés de reconnaissance. Telle fut la récompense de Tse Kao pour n'avoir point aggravé par sa colère la peine de ceux qu'il avait condamnés. Sous la dynastie des Liang, Yang Taoxing était un des généraux du prince de Kaoling, et son frère aîné était gouverneur de Qiangcheu. Taoxing alla un jour lui rendre visite. Quand il partit, son frère aîné lui offrit le repas d'adieu. Taoxing aperçut sur la route un homme qu'on avait attaché à un arbre et qui le suppliait de le délivrer. Taoxing lui ayant demandé quel crime il avait commis. J'ai eu l'imprudence de m'évader, répondit le prisonnier. C'est un crime odieux, lui dit Taoxing. À ces mots, il descend de cheval, lui arrache les yeux avec un couteau, et presse son frère aîné de le tuer sur le champ. Taoxing ne put prendre aucun breuvage et mourut suffoqué. Tel fut son châtiment pour s'être emporté avec fureur contre un prisonnier. Connaître ses fautes et ne pas s'en corriger. Commentaire. Le mot Kuo de n'est pas synonyme du mot Ngo. On entend par Ngo une mauvaise action faite de propos délibérés. On entend par Kuo de une faute d'un moment, commise sans intention. Si vous vous apercevez de votre faute, vous devez alors vous en repentir et vous corriger. Vous êtes encore un homme vertueux. Mais si vous reconnaissez la gravité de votre faute et que vous y retombiez, alors ce que vous aviez fait d'abord sans intention, se change en une action préméditée et vous vous attirez le même châtiment que si vous aviez péché de propos délibérés.